Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, 1989, le début de la fin de l'histoire. Une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a des commémorations et des souvenirs, des dates sur lesquelles on bute, un mur qui tombe alors que personne ne s'y attend, des pays qui disparaissent, d'autres qui naissent, et la fin d'un monde conduit par la guerre froide qui laisse les communistes français stupéfaits. Alors pour commencer, les personnages. Une petite fille embrigadée, un ancien jeune naïf, une ex de la cellule du 15e, une femme qui cherche une solution, un homme qui doute et une permanente qui y croyait. Ensuite le décor, des jeunesses communistes, l'URSS, le printemps de Prague, les chars russes, un programme commun, la voix de Georges Marchais, le désarmement, un système asphyxié et des questions sans réponse. Aujourd'hui, 4e épisode, un petit tour à la fête de l'humain. Une immense foule que l'on peut évaluer à plusieurs centaines de milliers de personnes, sans pouvoir toutefois donner un chiffre exact, une foule immense se presse autour des stands, dans les balles populaires près des traités. Fête de l'humanité, 1945. Les scènes se déroulent. Des familles entières sont venues ici passer une journée à la campagne. Les uns ont apporté leur couverture afin de pouvoir s'asseoir, d'autres leur sac à provisions, tous leur enthousiasme et leur bonne humeur. Les sections communistes de tous les arrondissements de la région parisienne ont installé leurs stands le long des allées, attirant la curiosité des spectateurs qui ont pour se distraire ici une quantité d'attractions. Nous sommes en ce moment... 1989, le début de la fin de l'histoire, l'aveuglement du Parti communiste français. Par Alain Lefkovitch et Guillaume Baldi. Les infirmières de la Croix-Rouge, voici maintenant les ouvriers de la SNCF qui sont salués par de vibrantes acclamations. 80 ans bientôt. Mon parcours a commencé à la jeunesse communiste et j'ai adhéré aux étudiants communistes tout naturellement lorsque je suis entré à la faculté après avoir passé l'examen de propédeutique. Les mineurs viennent de monter sur la scène. Ces hommes apportent avec eux le folklore du Nord et aussi l'espérance de la reprise économique. En effet, la France sait qu'elle peut compter sur eux. Coiffés du casque, symbole de leur profession, ils interprètent le petit quinquin, l'un des chants bien particuliers de nos régions de mineurs. Je suis né en 1937. Mon père est parti dans les combattants de la France libre, donc je suis resté réfugié avec ma mère et mes frères et sœurs dans le Massif central au Chambon pendant toute la guerre, enfant. Et mes parents, dans l'après-guerre, se sont engagés au Parti communiste. Mon père était chirurgien dans la ville communiste d'Argenteuil. Et moi, à 10, 12, 13 ans, donc dans les années 45-50, je suis né dans l'idée de l'ambition communiste pour libérer l'humanité, tout bêtement. Voilà, et donc j'ai adhéré au Parti communiste à 15 ans. Mes parents trouvaient que c'était un petit peu jeune. Et avec l'ambition, toute simple, de contribuer à l'émancipation du monde. Vous savez, on adhère toujours pour des raisons affectives. On n'adhère pas seulement pour des questions rationnelles. Bon, ben voilà, j'étais jeune, naïf et peut-être con, voilà, j'ai pensé à ce moment-là que c'était la solution quand on était pour la justice que d'être communiste. J'aperçois Marcel Cachin, Maurice Thorez, Jacques Duclos et André Marty. Marcel Cachin se lève, salué par de vibrantes acclamations. Camarades. Il marche ? Oui, parlez. Camarades et amis de l'humanité, comment vous exprimer la joie immense que nous éprouvons en cette journée si grandiose pour le journal de notre parti. Le peuple de France, le peuple de Paris, le peuple de la région parisienne nous marque une fois de plus avec un éclat jamais égalé son attachement fidèle. Vive le Parti communiste français ! Vive la France ! Vive la République ! J'avais une carte du Parti communiste dans mon berceau quasiment avant d'être né. Donc l'histoire du communisme, c'est une histoire de famille, quoi. Et au sens très strict, parce que mon père était ami de Maurice Thorez, Maurice Thorez, Jacques Duclos, tout ça, c'était des copains. Écoutons maintenant, pour terminer ce reportage, la dernière chanson donnée sur la grande estrade installée près du bois de Vincennes. Ce sont les chanteurs de l'Union patriotique russe, sous la direction de M. Aristov. Je suis devenu communiste en 68. Mais en même temps, je me disais, la politique, c'est une chose sérieuse. C'est la lutte de classe. Et c'est pas les étudiants qui vont faire canner la bourgeoisie. Voilà. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une fenêtre, là, en 68, je suis allé, non pas renforcer les gauchistes, mais renforcer le Parti communiste, si vous voulez. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir eu des parents communistes. C'est sans doute vrai. Moi, j'ai eu cette chance avec mon père, coco de l'après-guerre et défroqué en 67 à cause des prises de position du PCF sur le Proche-Orient. Mais même des encartés, ils ne dérogeaient jamais à l'annuel rituel de la fête de Lima. On en revenait les pieds couverts de boue, avec des images de Pif, de Placide et Museau, de Vaillant, de Rahan, le fils de Crao, et du docteur Justice. J'y expérimentais le partage, la solidarité, la justice sociale et l'entraide. Dieu était mort dans le cataclysme de la Shoah, remplacé au pied levé par ces valeurs que mon père ne cessait de m'inculquer, parfois de façon quelque peu radicale. Mais à l'époque, j'étais bien meilleur en punk qu'en communisme. Alors il a fallu allier les deux, de quoi m'acheter la paix sociale et familiale. On se souvient tous du désormais célèbre « Taisez-vous, El Kabash » de Georges Marchais que les journalistes n'avaient de cesse de caricaturer. Moi, je le trouvais culotté, ce métallo à la gouaille inégalée, que François Mitterrand et les socialistes ont fini par trahir en mettant fin à une alliance qui devait pourtant sortir la France de l'endormissement giscardien. La gauche caviar contre la gauche sandwich, une nouvelle lutte des classes fratricide voyait le jour aux dépens d'une vieille garde stalinienne qui allait s'éteindre à la vitesse du phare idéologique soviétique. Le Parti communiste entamait alors sa lente et douloureuse descente aux enfers, une divine comédie dans laquelle il allait quasiment disparaître. Le communisme s'éteignait, tandis que Marx allait peut-être reprendre du service. Tout de suite un flash de dernière minute, les chars soviétiques sont à Prague, apparemment ils ont été débarqués par avion, car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars encerclent le bâtiment où est réuni le comité central du Parti communiste tchécoslovaque. Et cela dit, venons-en au titre ce matin, c'est-à-dire à la chronologie des événements. Donc, coup de force en Europe de l'Est, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit. Moscou affirme que c'est à la demande d'hommes d'État tchécoslovaques pour protéger le système socialiste. Le bureau politique du Parti communiste français exprime sa surprise et sa réprobation à la suite de l'intervention militaire en Tchécoslovaquie. Notre parti, qui avait exprimé sa préoccupation sur certains aspects de la réalité tchécoslovaque, avait également affirmé qu'il appartenait au Parti communiste de Tchécoslovaquie d'agir contre les éléments antisocialistes afin de préserver et d'étendre les conquêtes socialistes. Le Parti communiste français n'a cessé de lutter dans ce sens en faisant connaître son opposition à toute intervention militaire venant de l'extérieur, aussi bien dans les décisions de son bureau politique et de son comité central, que dans les démarches de son secrétaire général auprès du Parti communiste de l'Union soviétique et du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Donc quand arrive le 21 août, Antoine Speer, et que le communiqué du bureau politique sort le 22 août en disant « on désapprouve l'intervention », moi je me réjouis, je me dis « ça va, c'est formidable ». Moi j'ai participé à des réunions de ma cellule, j'étais dans une cellule du 15e arrondissement, et dans le 15e arrondissement, à cette époque-là, la majorité de ma cellule était pour l'intervention. On va se débarrasser de ces salauds qui mettent en cause un régime communiste. Et bien sûr, alors moi j'ai été amené à faire le rapport dans ma cellule sur l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Et comme un jeune communiste que j'étais, ça faisait un an que j'étais au parti, bien sûr j'ai pris l'humanité, j'ai répété ce qu'il y avait dans l'humanité, et j'ai dit pourquoi j'étais totalement d'accord avec le communiqué du bureau politique qui condamnait l'intervention soviétique. Et je me souviendrai toute ma vie, la secrétaire de cellule, je termine, et la secrétaire de cellule, elle s'appelait Angèle. Angèle me dit, Bon, alors maintenant, on a parlé comme pour la bourgeoisie. Maintenant, on va parler entre communistes. Hein. Tout ça, c'est pour faire peur, c'est pour faire croire aux bourgeois qu'on n'accepte pas l'intervention. Mais évidemment, l'intervention des soviétiques, elle est bonne. Et alors ensuite, ça a été très lent, très très lent. Je me souviens, de semaine en semaine, on voyait dans l'humanité que ça bougeait. Mais quand on me disait, moi, mais non, le Parti communiste, finalement, il est d'accord avec les soviétiques, le Parti communiste français. Je disais, mais non, je vous assure, regardez le communiqué du bureau politique, on a désapprouvé. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que la position avait bougé. Et progressivement, à l'intérieur des organisations du parti, on a commencé à dire que c'était bien qu'il y ait cette intervention pour mettre fin au bordel que Dubček avait laissé se développer. Il y a des évolutions dans la réflexion, mais la vision à la télé des chars soviétiques dans les rues de Prague, pour moi, ça a été la rupture d'un cordon ombilical. Ça a été vraiment le moment où je me suis dit, c'est plus Françoise Lazare, une référence, un point d'appui pour construire la ancienne société. Dirigeante du Parti communiste français. Je me suis dit, il faut que je collabore à quelque chose. Je me suis dit, il faut comprendre les évolutions chez nous, si on veut construire une société émancipée en France. Donc, il faut comprendre ce qui se passe dans le capitalisme contemporain. Donc, j'ai proposé mes services à la section économique du comité central du Parti communiste, qui avait une revue à l'époque qui s'appelait Économie et politique. Я сын подпольного рабочего партийца. Отец любил меня, я им дорожил. Но извела его проклятая больница. Туберкулез его в могилу уложил. Cette fidélité à l'Union soviétique était très très très très profondément enracinée dans la culture communiste française. Et donc les militants communistes eux-mêmes n'étaient pas préparés à une réflexion critique sur l'Union soviétique. Il y avait vraiment là une question très très très complexe qui pour moi est apparue en 68. C'est-à-dire comment conjuguer l'élaboration d'un projet communiste enraciné dans un pays capitaliste démocratique développé. Comment élaborer ça, ça n'existait pas. Notre seule identité c'était le rapport à l'URSS pour le projet, le modèle. Et pour le reste, on avait des étapes intermédiaires, la résistance, le programme commun à l'époque en 68. Mais comme identité, tout était à défricher. Et j'ai découvert, disons, dans cette année du printemps de Prague, entre les événements de mai 68, et où on était un peu à découvert sur la question qu'est-ce qu'on veut comme socialisme, comme communisme, on ne savait même pas comment articuler les deux mots, et le rapport à l'Union soviétique. Au moment où l'Union soviétique, elle, allait entamer, dans ce symbole de 68 et des événements de Prague, une longue période de dégénérescence complète, qui a fait que l'Union soviétique, au seuil des années 80, était un pays gelé au sommet et en désagrégation en bas. Ce qui explique ensuite 89. Moi, je vois encore Louis Aragon, hein, en 66. Son combat, ça a consisté toute la fin de sa vie à dire je fais tout Bernard Vasseur, pour que philosophe. En France, le socialisme ne se paye pas des mêmes erreurs que des mêmes crimes qu'on a vus en URSS. Par exemple, c'est Aragon qui s'est battu pour qu'on publie en français le premier livre de Solzhenitsyn. Vous voyez, Solzhenitsyn, il est traduit en français à l'initiative d'Aragon. Donc, vous voyez, tout ce côté répression, Rostropovitch, par exemple, le privé de nationalité. Ce côté-là, ce que j'appelle la stagnation, c'est ce que j'appelle la répression, la bureaucratie, appelez ça comme vous voulez. Nous sommes pressés, les travailleurs sont pressés. Georges Marchais, 1972. Nous voudrions bien, nous... Je vois ici encore à Marseille tous ces travailleurs qui souffrent de la politique actuelle. Ils aspirent, eux, à des changements dans les délais les plus rapides. Et puis, il y a la perspective des élections législatives. C'est pourquoi nous pressons le Parti Socialiste de réaliser avec nous un accord sur un bon programme de gouvernement. Le programme commun est un bon programme. François Mitterrand. Il rassemble les travailleurs, il défend leurs justes intérêts. Il propose le véritable changement hors duquel notre pays continuera de subir la loi des privilèges et le règne de l'injustice. Ce programme, nous l'avons, gardons-le. Interactualité Magazine, Dominique Bromberger. Bonjour. D'abord, le sommaire de ce journal, un peu sous la forme d'un film-annonce. Communistes et socialistes se sont mis d'accord au petit matin sur le texte d'un programme commun de gouvernement. C'est l'aboutissement de près de 5 ans de contact entre les deux partis. Georges Marchais. Je crois que cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. C'est un événement d'une très grande importance. Thorez l'avait dit dès la fin de la guerre, hein, on n'aura pas, dès 1936 même, on ne fera pas en France le chemin, on ne passera pas par le même chemin que les soviétiques. Bon. C'est-à-dire la dictature du prolétariat, la révolution violente, etc. Bon, c'est ça qu'on va finalement mettre dans nos têtes. Mais on va rester prisonnier du vocabulaire du socialisme. Et pourquoi ? Ben parce qu'on provient d'un parti socialiste. Qu'en France, on veut une alliance avec un parti socialiste. Et que donc, ce qu'on a de commun avec ce parti socialiste, ce qu'on a de commun, c'est le socialisme. Et ce qui nous différencie, c'est le communisme. Et comme on a dans la tête l'idée que l'objectif immédiat, c'est pas le communisme, c'est le socialisme, et que même cet objectif immédiat, faut lui mettre devant une transition qui est la démocratie avancée, ouvrant la voie au socialisme, etc., ben on va rester prisonnier de ce schéma de pensée qui est le socialisme. C'est-à-dire c'est l'État qui impose la collectivisation des moyens de production et d'échange. C'est essentiellement ça, le socialisme. Et bien ça, on voit aujourd'hui, avec l'exemple de l'URSS, que ça marche pas. Il y a, dans le discours de François Mitterrand à Nantes, une méthode que nous ne comprenons pas. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, François Mitterrand ? Il dit, il faut actualiser le programme commun à la hâte, rapidement. Non, il ne comprendrait pas que ça... Attendez, ne me coupez pas, sinon les auditeurs ne nous entendront pas. Il faut actualiser à la hâte, rapidement, et quand cela sera fait, alors après, nous mettrons au point le programme socialiste. Je ne conteste pas au Parti Socialiste le droit de mettre au point son propre programme, mais je pose la question, dans le cas où la gauche l'emporte, sur quel programme François Mitterrand entend-il gérer les affaires du pays ? Sur un programme commun de gouvernement actualisé à la hâte, incomplet, ne répondant pas aux besoins, aux aspirations des travailleurs et des masses populaires ? Ou sur le programme socialiste élaboré après ? Voilà la question de fond qui est posée. C'est cette hâte que Georges Marchais trouve suspecte. À ses yeux, si François Mitterrand est si pressé de réactualiser le programme commun, si désireux de ne pas entrer dans les détails, c'est pour éviter que celui-ci ne devienne demain un objet trop contraignant, pour éviter qu'il ne statue sur tous les points, qu'il n'édicte des règles de conduite politique sur tout. Bref, M. Marchais pense que si M. Mitterrand hâte le pas, c'est pour garder les mains libres. Il est certain que les communistes préféreraient ne pas arriver au pouvoir plutôt que d'y arriver uniquement pour le compte du Parti Socialiste. Et quand le Parti Socialiste, sous la direction de Mitterrand, très intelligemment, a accepté cette union et ce programme, et cette union, avec l'idée d'un socialisme démocratique, tant qu'on était les porteurs d'une union que la social-démocratie en crise, à cause des guerres coloniales, enfin toute une série d'autres raisons qui fait que le Parti Socialiste avait perdu tout son crédit après 68, et nous on proposait l'union sur un programme commun, ça donnait l'air, ça donnait l'impression d'un parti communiste porteur d'un projet. Mais quand Mitterrand a récupéré cette idée de programme commun, l'a signé, et qu'il est apparu plus crédible que les communistes pour diriger le processus, surtout que l'image de l'URSS devenait détestable, et qu'on était encore dans le modèle soviétique. Et moi, je pensais à l'époque qu'il suffisait d'avoir rompu avec le stalinisme, bien tardivement, un quart de siècle après Khrouchtchev, et d'avoir affirmé l'ambition d'un programme commun pour une étape démocratique, c'était la réponse moderne et appropriée avec l'eurocommunisme. Mais finalement, ça s'est brisé sur l'intégration par la social-démocratie européenne des normes et des impératifs du libéralisme qui allait emporter tous les pays dans l'orbite du système impérialiste. Désormais, le Parti socialiste a l'air moins dangereux que nous pour faire ça. Vous voyez, il a l'air plus respectueux de la démocratie, des élections, des droits de l'homme, alors que nous, on est liés à toute une série de conflits, d'horreurs, de crimes, etc. Le Parti socialiste en France dans les années 80, souvenez-vous, front de classe, hein, il tient le même discours que nous, il signe le même programme que nous, le programme commun de gouvernement, et il est pour les nationalisations. Autrement dit, les gens ne voient plus la différence. Qu'est-ce que vous voulez ? Le socialisme. Et vous êtes le Parti communiste. Mais il y a un parti socialiste qui veut aussi le socialisme. Vous voyez, comment expliquer ça à l'opinion ? En 1981, lors de la campagne où Mitterrand passe devant, le Parti socialiste passe devant le Parti communiste. Et où ça va se confirmer dans la suite des suffrages. J'ai là tous les suffrages, toutes les dates des élections, les reculs électoraux, etc. Quel est la première réflexe de Georges Marchais ? C'est de dire, je le vois encore me le dire, il ne faut rien changer. Ils sont passés, les électeurs, ils sont passés chez les socialistes, mais leurs yeux finiront bien par s'ouvrir. Je vois cette formule qu'il m'a répétée. Je sais pas quoi. Leurs yeux finiront bien par s'ouvrir. C'est-à-dire, ils finiront bien par nous revenir quand ils se rendront compte que les socialistes sont des danseurs mondains. Bon, et qui ne changent pas leur vie, contrairement à ce qu'ils disent. Ils vont bien nous revenir. Moi, je vais penser très vite que cette idée-là est fausse. C'est-à-dire qu'il faut au contraire tout changer, puisque tout se casse la gueule autour de nous, quand même. Hein, bon. Donc, il faut changer notre point de vue, notre position. Au contraire, il faut changer. Mais je vois bien qu'un homme de l'âge de Marchais, de l'histoire de Marchais, porteur de cette histoire communiste-là, sa grande idée, c'était de dire « ils vont nous revenir, leurs yeux vont bien finir par s'ouvrir ». Je crois que le déclin du Parti communiste dépasse la seule période des années 80. Mais il s'est noué avec des moments révélateurs, 68-89. C'est vrai. Danielle Papiot, ancienne permanente du Parti communiste français. Quand Gorbatchev est arrivé, on a repris espoir. Ça partait du sommet et voilà, ils vont tourner la page, ils ont les forces en eux pour pouvoir redonner au socialisme le dynamisme et le qu'il a perdu, quoi. On était très enthousiastes, bon, tant sur le plan international que la perestroïka, la glasnost, que les dissidents libérés, les intellectuels qui soutenaient Gorbatchev, ça nous paraissait merveilleux. On avait à Nanterre, à la section de Nanterre, souvent la présence de Philippe Herzog. Et je me souviens quand même qu'une fois où, sûrement à la sortie d'une réunion quelconque, de façon informelle, on exprimait notre enthousiasme pour Gorbatchev et où Philippe nous avait dit, revenait d'une délégation d'économistes en URSS, et c'était donc au début de Gorbatchev, Philippe nous avait dit, oh là là, mais ils sont en train de démolir tout le système qu'ils ont mis en place, mais ils n'ont aucun projet politique, aucun projet économique, aucun projet de substitution. Ils se posent les questions d'investissement, les questions de fonctionnement du système économique. Ils vont vers une crise très grave. Georges Marchais à Moscou, le secrétaire général du Parti communiste français, a été reçu ce matin par Mikhail Gorbatchev. Depuis 1985, nos rapports sont excellents. Excellent. Et alors, concernant la perestroïka, alors là, nous sommes tout à fait d'accord. Et avec nous, pour évoquer l'évolution du PC en France, Claude Liabresse, l'un des chefs de file des rénovateurs communistes. Claude Liabresse, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis Toulouse. Alors, Georges Marchais disait à la Fête de l'Humanité qu'il avait toujours été favorable à la perestroïka. Est-ce que vous pensez que la politique de Gorbatchev peut déteindre, en quelque sorte, sur le PC français? Oui, Georges Marchais est imprévisible. La dernière fois qu'il nous a parlé de Moscou, c'était pour approuver l'intervention à Kaboul. Aujourd'hui, je viens d'entendre qu'il y avait des différences, mais qu'il était d'accord avec la perestroïka. Si Georges Marchais nous apprend depuis Moscou tout à l'heure qu'il approuve les choix réformistes des communistes hongrois, nous examinerons ce que ça veut dire. Non, très franchement, je crois que Georges Marchais ne pèse plus beaucoup sur l'évolution de la société française. Imaginez qu'il ne pèse pas du tout sur l'évolution du monde. Je crois par contre que ce qui intéresse tous les peuples du monde, c'est le fait que dans les pays du socialisme d'État, les peuples bousculent les schémas les plus audacieux, y compris ceux de Gorbatchev. Les choix des Hongrois, neutralité, réformisme, les choix des Polonais, pluralisme politique, les Allemands de l'Est qui mettent leur basket pour réunifier l'Allemagne, cette poussée vers l'indépendance ou l'autonomie des républiques en Union soviétique. Voyez-vous, moi, je suis d'accord avec Sakharov. Si j'avais rencontré Gorbatchev, ce n'est pas le cas. Je lui aurais dit, il faut être un peu plus à l'initiative. Si l'on veut préserver l'Union, et je crois que l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques est une réalité économique, sociale, politique, il faut donner le droit au divorce pour les nationalités, il faut donc bouger la Constitution. M. Sakharov, quand même, il a raison, il a eu raison avec M. Gorbatchev pendant 10 ans, ça lui a même coûté des années de prison. Je crois qu'on devrait écouter cet homme, il est raisonnable et il pose les vraies questions. Le dissident le plus célèbre, Andrei Sakharov, rentre de son exil forcé de Gorki et l'Occident découvre avec plaisir qu'on peut faire confiance à Gorbatchev. 7 décembre 87, signature à Washington du premier traité de désarmement de l'histoire, Gorbatchev devient l'homme de l'Ouest, plus populaire à l'étranger que dans son propre pays. Avec la chute du mur de Berlin, 2 ans plus tard, Gorbatchev va au bout de la logique qu'il a initiée. Il laisse disparaître les régimes communistes d'Europe de l'Est, décide le retour des troupes soviétiques stationnées dans les anciens pays satellites et accepte la réunification des deux Allemagnes. En 89-91, ils ont dit que ça avait changé, les communistes, mais ils n'ont absolument pas pris la mesure de ce que ce changement imposait au Parti communiste français dans sa structure, dans son fonctionnement et dans sa manière d'être. Antoine Speer. En 89, ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, c'est que Roland Leroy considère qu'avec Egon Krenz, on a une révolution dans la révolution. C'est-à-dire que, ça y est, Egon Krenz va prendre la mesure de ce qui se fait, de ce qui doit se faire en RDA, et en conséquence, il va faciliter la démocratisation du SED. C'est intéressant parce que c'est la croyance, si vous voulez, que quelque chose peut encore se faire et qu'on va éviter la réunification. Et puis, il y a le papier d'Yves Moreau, qui à mon avis est un article absolument clé, où il dit, au fond, c'est une évolution qu'on ne peut absolument pas éviter. Parce que cette évolution, c'est, malgré l'anticommunisme, malgré la pression politique qui pèse sur la RDA, cette évolution, elle est inévitable. Et donc, c'est le fruit, encore une fois, justement, de la propagande. Mais, voilà ce que dit l'humanité, mais il y a quelque chose dont il faut prendre la mesure, qui est l'aspiration à la liberté de la population de la RDA. C'est très, très étrange, parce que c'est un papier contradictoire, fou, de penser que quelque chose peut sortir de la situation dans laquelle on est, qui sera... Les gens vont se rendre compte, quand même, que la RDA et la RFA, c'est pas pareil, hein, que c'est beaucoup mieux en RDA. Et donc, finalement, on l'emportera quand même. Et le socialisme qui se construit à l'Est, c'est le bon socialisme. Et les gens vont s'en rendre compte. À partir du moment où les premières personnes passent le mur, c'est fini. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils se rendent compte des inégalités économiques qu'il y a entre les deux camps. Ils ont beau répéter, ces inégalités économiques sont dues à la pression du capitalisme et à la manière dont ils décrivent le socialisme, il n'empêche que c'est fini. C'est impossible de, pour autant d'empêcher que les gens disent ben, « on vit mieux là-bas, on vit mieux à l'Ouest, c'est raté pour nous à l'Est ». Et donc il faut un régime comme, qui soit identique à celui de l'Ouest. Voilà ce que pensent les gens. Dans ce régime, on trouvera notre liberté. Ils n'ont pas forcément tort. On avait tellement intégré, si vous voulez, l'idée qu'il y avait deux systèmes, le système communiste et le système capitaliste, qu'on ne pouvait pas penser que le système communiste allait s'effondrer. On ne pouvait pas le penser. Au nom de l'ordre et de la liberté, ne criez plus à Marie communiste. Au nom de l'ordre et de la liberté, ne criez plus à Marie communiste. Donc à la fois, on était heureux. Daniel Papiot. Et en même temps, si c'était le peuple qui condamnait la révolution, ça était quand même quelque chose de dramatique. Alors en même temps, on voyait ça avec nos lunettes de militants français. Mais pour vous donner une image, enfin, des contradictions dans lesquelles on était, et en même temps des réactions individuelles, une de mes meilleures amies qui était maire adjointe comme moi, qui s'appelle Guylaine Quilin, et dont le père était René Le Guen, membre du bureau politique, le lendemain de la chute du mur, son père lui dit « Ah, ces salopards de capitalistes, ils vont voir ce que c'est que le socialisme quand la démocratie, quand ils deviennent démocratiques, quoi. » Ils vont retrouver le socialisme va retrouver enfin ils vont voir ce que c'est quoi, ils vont voir ce que c'est le socialisme quand il est démocratique quoi. Moi j'étais beaucoup moins optimiste et beaucoup plus inquiète, mais quelque part avec des degrés complètement divers, on avait cette idée que enfin le socialisme allait sortir de son impasse et que donc il avait en lui des forces pour évoluer et pour reprendre la dynamique dans laquelle qu'il avait abandonné. Enfin, donc c'était tout ça. Et en même temps, on voulait pas condamner l'ensemble du système parce que c'était condamner l'espoir de la révolution et d'une société alternative au capitalisme, quoi. Donc, autant dire qu'on était quelque peu coincé et qu'on en prenait plein la figure quand même assez couramment. Parce qu'évidemment, on nous demandait toujours d'aller plus loin dans la condamnation. Et pendant ce temps-là, il y avait nos amis socialistes, et en particulier le cher Mitterrand, qui jouait là-dessus, évidemment, puisque lui, il était la gauche, mais la gauche et la liberté, quoi. Ce qui était évidemment... ce qui, pour le coup, inscrivait cette histoire dans notre propre histoire de communistes français et dans la concurrence qui existait à la fois dans la période du programme commun et d'aller vers le pouvoir, donc d'alliance avec les socialistes, mais en même temps de concurrence avec les socialistes. Et puis très vite, alors c'est l'ouverture de la Hongrie, la révolution de velours en Tchécoslovaquie, encore, ça va à peu près. Après arrive la Roumanie et l'horreur de Ceausescu. Et tout ça en deux ans, quoi. En un an et deux ans. La réunification de l'Allemagne, sous domination de la RFA, en sachant bien que les Américains sont derrière. Que la lutte de classe, elle ne va pas s'arrêter, mais que... Et puis, on est bien conscient du déferlement que ça va être contre l'expérience de la révolution, du socialisme, de tout ce qu'on veut, quoi. On la connaît tous les jours, donc on sait que là, ça va être très dur, quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'étais pas prise au dépourvu. Francette Lazare. Parce que, à mon idée, et là, c'est une idée qui était peu partagée, tout le monde trouvait ça très bien, mais c'était pas intériorisé par mes collègues de la direction communiste. Mon idée, c'était qu'il y avait des défis historiques majeurs, que le capitalisme qui est plastique s'y adaptait en ravageant les peuples et en développant de nouvelles contradictions, et que les pays socialistes, s'ils ne s'adaptaient pas, seraient balayés par le mouvement historique qui appelait de nouvelles réponses. Et donc, fondamentalement, je n'étais pas surprise, tout en mesurant à quel point c'était de laisser l'impérialisme seul avec la vague néolibérale qui s'amorçait, pouvait ouvrir une période très compliquée. Moi, vous savez, ce que j'ai retenu, c'est pas tellement la chute du mur. Si, bien sûr, c'est la chute du mur de Berlin en 89. Bernard Vasseur. Mais c'est quand même qu'après, en 91, quand l'URSS implose, quand elle éclate, quand elle disparaît, quand elle est rayée de la carte, c'est qu'il n'y ait pas eu une seule manifestation de rue, enfin, en tout cas, à ma connaissance, de communistes soviétiques disant « Mais vous n'allez pas nous prendre notre bien ». Vous voyez, c'est ça qui est quand même assez difficile à comprendre. Enfin non, que je crois on peut très bien comprendre, mais qui est au moins une anomalie. On déclarait partout que c'était le peuple qui était au pouvoir, que les entreprises étaient collectivisées et que c'était des entreprises où la classe ouvrière était au pouvoir, le Parti communiste était le parti de la classe ouvrière, de ses alliés, de la paysannerie, etc. Bon, c'est une poignée de militaires de fantoche, un alcoolique qui s'empare du pouvoir. C'est quasiment un coup d'État africain, quoi, vous voyez. Les oligarques, c'est-à-dire les anciens membres du Parti communiste qui étaient très bien placés dans l'appareil, s'emparent des richesses, du gaz, du pétrole. Toutes les richesses industrielles soviétiques passent dans les mains de milliardaires et il n'y a personne qui se lève dans l'opinion pour dire « c'est à nous ». Vous ne pouvez pas faire ça, enfin, vous voyez. Donc c'est bien la preuve qu'il y avait quand même une espèce de maladie du régime. Et par conséquent, évidemment, quand ça se produit, quand le mur de Berlin tombe et quand l'Union soviétique en 91 disparaît, évidemment, on est surpris, choqué, tout ce que vous voulez. Mais enfin, franchement... on le voyait venir quand même, cette espèce d'atonie. Chez les communistes, Liliane, cette fois-ci, va vraiment faire les valises de Georges. Georges Marchais, qui hier, à l'occasion du comité national, a annoncé son départ de la direction du parti. Il démissionnera lors du prochain congrès qui aura lieu en décembre. Georges Marchais, hier soir sur France 3. Il faut faire la place, effectivement, aux jeunes générations, pour ce qui concerne les cadres du parti, ceux qui ont des responsabilités. Est-ce que Georges Marchais va vous manquer, Pierre Dex ? Non. Tout le long de son activité, il a regardé du côté de Moscou, et probablement trop. Si vous considérez, par exemple, qu'au lendemain de la normalisation en Tchécoslovaquie, quand il y a là-bas, après l'invasion, la répression féroce contre les communistes, d'ailleurs, et les intellectuels, qui approuvent et qui fait approuver au Parti communiste français, c'est Marchais. Ensuite, il y a les campagnes contre les dissidents, et au premier chef de celle-ci, vous avez toujours le Parti communiste français contre Sakharov, contre Solzhenitsyn. Et bon, le comble est sans doute quand de Moscou, il a approuvé en 1980 l'invasion de l'Afghanistan. Sur le plan français, si vous prenez sur le plan français, il est l'artisan de quoi ? Il est l'artisan du programme commun. C'est par erreur qu'on confond le programme commun et une union de la gauche. Le programme commun était une entreprise pour corseter le Parti socialiste et corseter aussi l'économie française. Si on regarde le programme commun aujourd'hui, il apparaît très clairement que c'était une entreprise qui avait comme perspective un jour, disons, la finlandisation de la France, c'est-à-dire une Europe qui serait dominée par l'Union soviétique, qu'ils y croyaient. Ils croyaient très sincèrement, au début des années 80, après le Watergate, après la chute de Saïgon, que les États-Unis étaient exclus de la scène internationale, que tout se passerait avec l'Union soviétique. C'est pour ça qu'ils ont applaudi à l'agression en Afghanistan. Et ils voyaient une France... Bon, qui vivrait dans cette Europe-là, ce qui était évidemment une erreur de pensée magistrale. On connaît Georges Marchais, nous. On sait très bien qu'il est incapable de faire cette critique de lui-même, qu'il a toujours raison, qu'il est toujours... Jamais, moi, je n'ai entendu Marchais dire qu'il avait tort de quelque chose. C'est dramatique, non ? Je pense que quand un dirigeant politique n'est pas capable de faire la critique de ce qu'il a fait et de voir ce qui manque, eh ben, à mon avis, il est foutu. Et Marchais, depuis le début, il a été comme ça. C'est-à-dire que quand il est arrivé, dans les années 60, à la fin des années 60, en fait, c'était tout le temps l'imposition d'une ligne qui était « nous avons toujours raison ». Et le système capitaliste est épouvantable, et c'est lui qui provoque éventuellement les désaccords à l'intérieur de notre parti. Bon, bah, ça va pas du tout. Il faut que les désaccords soient examinés au fond. Et je pense que c'est ça qui a été... C'est la direction qui a tué le Parti communiste. C'est pas les ouvriers français qui étaient communistes. C'est la direction du Parti communiste qui a été incapable de penser. Moi, je dirais que le Parti communiste français est mort de son incapacité intellectuelle et de son refus d'une réflexion intellectuelle. Voilà de quoi il est mort. Premièrement, il y a quand même la manière dont a été présenté et exploité la fin de l'Union soviétique, donc la fin du camp socialiste, du socialisme réel, comme on disait. Vous voyez, c'est-à-dire quand même, vous avez le livre noir du communisme qui paraît en 97. Et ça, ça fait mal ? Ah ben oui, ça fait mal, enfin ça fait mal dans la population, pas dans le parti communiste. On est blindé, si j'ose dire, vous voyez, le nombre de morts, si on commence à mettre le nombre de morts à être considéré comme un argument politique, alors vous pouvez faire un livre noir de l'impérialisme, un livre noir de l'esclavage, un livre noir du colonialisme, de l'église, vous pouvez faire un livre noir de tout ce que vous voulez. Vous voyez, le noir et blanc, justement, faut être plus fin que ça. Bon, mais enfin, ce livre-là, vous pouvez quand même pas dire que sur vos antennes et pas que sur les vôtres, ça n'a pas fait des gorges chaudes. Bon, vous avez le passé d'une illusion, hein, le passé d'une illusion de, comment s'appelle-t-il, François Furet, bon, qui vous explique que tout ça maintenant, c'est le passé d'une illusion. C'était une illusion et elle a passé. Donc voilà, vous avez Fukuyama, bon, vous avez tout ça qui vous explique. Bon, il n'y a plus d'histoire maintenant. Si les jours succèdent aux jours, mais... le capitalisme n'a plus d'ennemis, la démocratie parlementaire n'a plus, le capitalo-parlementarisme n'a plus d'ennemis, et par conséquent, l'histoire a accouché de l'absolu, en quelque sorte. À gauche, à défaut d'une actualité présidentielle débordante, c'est une page d'histoire qui se tourne, le divorce entre Fitterman et le Parti communiste. S'exprimant lors d'une conférence de presse de soutien à la candidate des Verts, Dominique Voynet, l'ancien numéro 2 du PC a annoncé que malgré le renouvellement de sa carte, le parti ne lui envoyait plus aucun courrier ni aucune convocation. Pour moi, c'est une affaire réglée, a conclu Fitterman. Une page d'histoire, vraiment, puisqu'aux grandes heures de l'Union de la gauche, Fitterman avait été le chef de file de la bande des quatre, les quatre ministres communistes du premier gouvernement Mitterrand. Marie-Ève Malouine. François Mitterrand n'avait pas voulu de Georges Marchais, son adversaire vaincu de la présidentielle. C'est donc le numéro 2 du PCF, Charles Fitterman, qui avait pris la tête des quatre ministres rouges du gouvernement Mauroy. Cependant, au fil des ans, malgré sa discrétion sur les questions polémiques, Charles Fitterman se retrouve peu à peu écartelé entre sa participation au gouvernement et les prises de position au contraire de Georges Marchais. Longtemps dauphin du secrétaire général, ce fut l'un des artisans du programme commun, Charles Fitterman connaît une disgrâce discrète lorsque Pierre Mauroy démissionne et que l'aventure gouvernementale s'achève. Le PCF, c'est sa famille, il y a fait ses classes avec Val Descrochet et Jean Canapa. Alors il reste, tout en multipliant les appels et les initiatives vers une refondation de la gauche, jugeant le modèle soviétique caduc, réclamant des actes plutôt que des paroles à Robert Hue. Cela le conduit à voter vert aux européennes, à soutenir Dominique Voynet pour la présidentielle et à se laisser pousser lentement vers la porte de sortie du Parti communiste français. On a longtemps dit de Philippe Herzog qu'il était l'économiste du Parti communiste français. Mais depuis une dizaine d'années, il faut bien dire que Philippe Herzog avait pris ses distances avec le parti. Hier, il annonçait à la veille du 29e congrès qu'il allait quitter le bureau national. Et bien aujourd'hui, Philippe Herzog va plus loin, il quitte carrément le parti. La bataille m'a usé comme bien d'autres, déclare-t-il aujourd'hui Élise Carlin. Philippe Herzog déclare forfait. Après des années de lutte contre la direction du PC, ce communiste contestataire quitte le parti. La mutation telle que la revendique Robert Hue depuis son accession au poste de secrétaire national n'a pas convaincu Philippe Herzog, qui attendait plus du successeur de Georges Marchais. Fondateur avec Michel Rocard du mouvement Confrontation en 1991, Herzog a donc décidé d'accomplir son destin politique hors du Parti communiste français. Chers camarades, je suis venu vous dire que je m'en vais. La bataille m'a usé comme bien d'autres. Et puis vous ne m'avez laissé le choix qu'entre faire potiche ou quitter le parti. Ma vérité est mixte. Je revendique Keynes et Hannah Arendt autant que Marx et je ne m'identifie pas au communisme. Philippe Herzog quitte le Parti communiste parce qu'il ne croit pas en Robert Hue. Hier, c'est la CGT qui abandonnait la direction du PC. Aujourd'hui, c'est un partisan de l'ouverture qui s'en va, quels que soient les engagements proclamés de Louis Vianney. Et même si Philippe Herzog ne représentait plus que lui-même, c'est un double coup dur pour Robert Hue, qui voit se fissurer largement l'assise politique sur laquelle il comptait appuyer son action réformatrice. Au 29e congrès du PC, Élise Carlin, France Inter. C'est pas fini d'en tirer des leçons, la métamorphose du monde. J'ai pas d'emblée la réaction de la solution, mais j'ai quand même des réactions. Par exemple, avec mon ami Bocara et contre l'avis de ma direction du parti, Philippe Herzog, on réunit 400 personnes à la mutualité pour un débat entre Boissonnat, Julien, Bocara et moi. Et maintenant. Et en gros, le discours qu'on avait, Bocara et moi, c'est ne mettons pas le marxisme à la poubelle, sinon on va le payer très cher. Et on s'aventurait pas, on ne justifiait pas l'ancien régime bolchevique. J'étais pas, comme je disais toujours en France, eux c'est eux et nous c'est nous. Moi j'ai, quoi, voilà, leur niveau est plus bas, quand je vais là-bas c'est la grisaille, c'est pas un modèle, quoi. Vous me posez la question, c'est un modèle? Non, c'est pas un modèle. Bon. Mais, par contre, tout ce mouvement historique qui avait permis, y compris des conquêtes ouvrières, y compris l'affirmation qu'on peut changer de système, ça va s'effondrer si on lâche le marxisme. Bon. Et ça, je le pense toujours d'ailleurs, que revenir là-dessus, c'est très très très très difficile. Mais pourtant, il faudra bien, enfin, non pas revenir sur Marx, mais renouveler la pensée de la transformation sociale, bon, pour parler comme ça. Renouveler la notion de révolution. Qu'est-ce que serait une révolution pacifique, graduelle, rien à voir avec l'ancienne? Tout ça devrait être travaillé, et doit l'être. Alors j'y vois un peu plus clair parmi ceux qui font des gammes. Et à l'époque, liquidez pas le marxisme, premièrement. Et deuxièmement, en ce qui concerne la France, et ce que je disais à mes dirigeants, mais qui n'ont pas du tout suivi, surtout, on ne veut pas entrer dans la radicalité, il faut garder au Parti communiste lui-même et au mouvement social une hypothèse en France de transformation. Or, je me retrouvais au bureau politique, et c'était ma deuxième raison de la rupture, l'une est l'Europe, et l'autre, c'est que chaque fois que... Ils sont retournés dans la radicalité, ils disaient non à tout. Alors du jour au lendemain, j'ai vu des gens qui étaient dans un investissement, y compris au gouvernement, pour essayer de faire des réformes, et qui après, sauf qui peut, non à tout, on n'en veut plus, on est antisocialiste. Et là, je me suis retrouvé complètement en porte-à-faux, parce que j'ai adhéré à un parti, justement, qui portait un projet. Et j'ai été flingué, je raconte ça d'ailleurs dans mes mémoires. Il faut tenir à chaud un projet de transformation dans les circonstances d'aujourd'hui. Et je me faisais flinguer dans l'humanité la tentation du projet. Alors je me disais, mais zut, si j'adhère à un parti communiste, c'est parce qu'il a un projet. S'il n'y a plus de projet, à quoi il sert? Alors pourquoi les réformateurs n'ont pas réussi? Parce qu'on est, retourné à nos fondamentaux personnels, d'une certaine façon. Enfin, chacun fait son autocritique. Alors vous prenez la série... Anicé Le Pors, qui est le premier à quitter, se rapproche de Chevènement, donc c'est-à-dire... position française, pas pro-euro, pas intéressé par l'Europe, bon, bref. Juquin, qui était le premier d'ailleurs à sortir, se rapproche des Verts, où il n'a jamais réussi à faire souche. Faut dire qu'ils sont pas très accueillants, hein, pour ceux qui pensent pas. Il y a, comme je l'aurais déjà dit une fois, attention, nous on a vécu avec la pensée unique, et vous croyez avoir une pensée totale du monde, et vous gourrez. Fitterman adhère au PS, donc il devait être le plus proche... Et donc moi qui vais à l'Europe et qui lâche pas mon marxisme, ça fait déjà 4 cas de figure et qui explique que les réformateurs n'ont jamais pu s'unir. Moi je vais vous dire, je pense qu'il a manqué de pensée, le Parti communiste français. Antoine Speer. Il a manqué d'intellectuel et il a manqué de pensée critique. S'il avait été suffisamment intelligent pour véritablement laisser libre cours à la critique et à la contestation, pour essayer de voir qu'est-ce qui avait été la source de ce dérapage, je pense qu'il aurait encore pu être une porte de sortie pour tous ceux qui aspirent à voir une société plus juste. Robert Hue, je vais vous dire, il a été très honnête. Hein. Il a voulu vraiment... tout le monde se moque de lui parce qu'il était venu à la fin et qu'il n'y avait plus grand-chose. Mais il a été très honnête, c'est-à-dire qu'il a été celui qui a pris les mesures de l'impasse dans laquelle c'était. Il a été renversé par l'appareil parce que justement, il avait pris cette mesure et qu'il écoutait les critiques et qu'il essayait d'approfondir les critiques. Moi, je pense que ça a été une espèce de soubresaut, Robert Hue, au cours duquel un dirigeant communiste commence à dire « Ben voilà, on est peut-être responsable quand même en partie de nos échecs ». Immédiatement, il a été balayé par l'appareil, c'est ce qui s'est passé. Et cet essai étonnant n'a pas eu de suite parce que l'appareil ne pouvait pas le supporter. Et l'appareil, qui l'a balayé au fond ? Ben aujourd'hui, c'est la réalité qui a balayé l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil n'embraye plus sur quoi que ce soit. Il n'embraye plus sur le réel. Je dirais que je ne l'ai pas quitté. On s'est quitté, quoi. C'est-à-dire que petit à petit, le parti ne représente plus rien. Le jour où on décide que pour les cartes du parti, on les enverra par la poste. Daniel Papiot. Et qu'on va faire, on va faire sur son carnet de chèques un truc au lieu d'aller acheter des timbres. il n'y a plus de parti, quoi. Enfin bon, voilà, je pense qu'il y a le parti, il est mort, quoi. Et je continue à le penser, d'ailleurs. À la fois, c'est un espèce de manque, et en particulier de cette sociabilité, cette vie nantérienne qui s'est dissoute, quoi. Maintenant, il y a d'un côté une municipalité où d'ailleurs ils sont plus communistes, enfin où il y en a 3-4, les autres ils sont tout ce qu'on veut, enfin ils sont de la société civile, ils sont. Et puis voilà, puis tout ce qui faisait les liens de la vie sociale, le fait qu'on faisait la fête et que on avait des tas de copains, de copines qu'on baisait accessoirement. tout ça s'est dissous. Alors bon, il y a toujours des vieux copains comme ça, mais tout ça est mort. De toutes les classes qui, à l'heure présente, s'opposent à la bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Et puis regardez ce qui se passe aujourd'hui. Alors ça, c'est très nouveau. Le nombre de publications qui sortent sur Marx et sur le thème « Marx, le retour ». Regardez, il y a même la revue de métaphysique et de morale, qui est une vieille dame vénérable, sort un numéro spécial sur Marx qui commence comme ça. Ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire la crise des subprimes, oblige à reconsidérer Marx. Autrement dit, le journal Le 1, là, etc. Ils ont publié un petit livre qui s'appelle Marx, le retour. Ce qui se passe aujourd'hui, ça consiste à dire, le capitalisme est toujours là, il est toujours là et il est de plus en plus, on voit de plus en plus qu'il conduit l'humanité et la planète dans le mur, et c'est le moment de revenir à Marx, parce que lui, au moins, tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'avait annoncé il y a 2 siècles. On va peut-être terminer là, mais j'ai organisé en 1998, à l'occasion du 150e du Manifeste communiste de Marx, je retrouvais ma jeunesse là, on a organisé une conférence internationale sur le thème « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» quoi, 150 ans après. Il y a eu le Manifeste de Marx, qui reste un texte formidable d'anticipation et d'analyse. Personne ne peut dire qu'il a réussi le XXe siècle, ni les léninistes, ni les sociodémocrates, ni tous les autres. Comment on fait? Voilà. Et il y a eu plus de 2000 personnes là, sur les berges de la Seine à réfléchir, de tous les pays du monde, à réfléchir là-dessus. Et c'était l'année suivante, il y a eu les événements à Seattle qui ont vu la naissance du mouvement altermondialiste. Puis toutes les recherches avec les avancées, les échecs, les tâtonnements des années 2000-2010 pour dégager des voies nouvelles d'une alternative, d'une ambition transformatrice. Donc avec l'an 2000, l'espèce d'anesthésie générale due au choc des échecs du XXe siècle, la social-démocratie s'est avérée aussi avec la crise de 2008 dans ses limites absolues de gestion sociale d'un capitalisme de plus en plus ravageur, inadapté et en même temps porteur de défis absolument nouveaux, l'idée qu'il fallait chercher autre chose. Mais les réponses à cette autre chose, elles sont tâtonnantes encore partout. Et on n'a pas fini d'absorber et de digérer, si j'ose dire, l'échec historique du XXe siècle. Parce qu'on se fout des règles, parce qu'on s'aime au-delà, il fera de sa naissance une grève, et du rouge son combat, conscient en pleine révolution. Et même s'il est pas beau, il pourra pas non plus être con. Pour un chef aussi marteau, si nos drapeaux sans éclat n'ont plus grand chose. Merci à Antoine Spire, Francette Lazare, Daniel Papiot, Philippe Herzog, Bernard Vasseur. Merci également à Mathéo Morillon pour son aide précieuse, à Alain Bouvier, Jean-Claude Casanova, Michel Sturaro et Yann Brossat. De quoi venir gonfler les rangs. On fera un enfant communiste sur la plus petite des montagnes, le plus gland des alpinistes, se fout que Lénine. 1989, le début de la fin de l'histoire, l'aveuglement du Parti communiste français. Réalisation Guillaume Baldi, mixage Alain Joubert, archivina Hervé Evano, coordination Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervan. Faisons un enfant ce soir. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. Dissidents, nostalgiques, compagnons de route, encartés ou en rupture, LSD, c'est tout pour cette semaine.